T'étais venu à Tokyo 3 pour piloter un Eva. Tu revenais d'Allemagne et t'étais venu ici en porte-avions. Dans mon lycée, t'es venu, tu t'es présenté. Et tous les mecs sur toi ont flashé. Moi aussi, bien sûr, mais toi, ça se voyait moins. Mais c'est ce qu'en parle le moins, qu'en mange le plus. C'est vrai, j'étais amoureux de toi. Alors que tu ne me voyais pas, à cause d'un petit brin un peu coincé et déprimant, ma foi, mon cœur t'appartenait à Zuka. Ton caractère de cochon, ça faisait peur à tout le monde. Mais moi j'aimais ça et pourtant je suis pas maso. Je me serais jeté à tes pieds comme si t'étais mon patron. Oh Azuka, pourquoi tu pilotais les vagues? Pourquoi tu menais cette vie-là? À chaque fois que tu partais, je priais pour que tu reviennes là. Mon cœur t'appartenait à Zuka. Mais un jour un ange de l'espace t'a tourné la tête et des souvenirs douloureux te sont revenus. T'as revu ta mère qui se suicidait au fond de ta chambre. Et depuis, et depuis, et depuis, et depuis, et depuis. Oh, tu reviens de quoi je parle, mon amour? Je savais pas pourquoi tu me fuyais. Et depuis, maintenant je le sais. En fait, t'avais peur des gens et t'osais pas leur parler, tu le cachais. Mon cœur t'appartenait à Zuka. Ouais, les années ont passé et c'est plus tout à fait pareil. La planète va péter d'ici peu, tout comme le soleil. Et moi je suis devenu un homme et je me suis marié. J'ai 4 marmots qui vont se tuer. Mon cœur t'appartenait à Zuka. Et toi tu joues les légumes à l'hôpital, t'oses plus rien faire, tu vas crever. Tu ne voyais même pas jusqu'à ce moment-là. T'as jamais voulu de mon cœur, Azuka.